cette conférence de Daniel Kemp intitulée « Le plus puissant concept du 20e siècle ». C'est ça? Qu'est-ce que c'est un concept? C'est une théorie qui n'est pas perçue uniquement par l'intellect, mais qui est perçue aussi par l'intuition. Alors, une théorie, c'est un concept perçu par l'intellect. Une croyance, c'est un concept perçu par l'intuition. Et un concept, c'est une théorie et une croyance perçue par l'intuition et l'intellect. Donc, celui qui, par exemple, parle de la réincarnation, s'il ne connaît pas, s'il ne sait pas que ça existe ou non, s'il y croit, c'est une croyance. S'il l'aborde scientifiquement, c'est une théorie. S'il l'aborde mentalement, donc s'il est capable d'avoir une vision intuitive et intellectuelle, alors ce sera un concept, c'est-à-dire que ça aura une valeur plus vivante qu'une théorie, sans pour autant omnibuler la conscience de l'individu, encore que ce ne soit pas le bon concept, ou encore que le concept ne soit pas totalement bien étoffé. Ça reste un concept jusqu'au moment où on l'a vécu. L'amour est un concept, la mort est un concept, la vie est un concept. La vie que l'on a est un concept. Les divinités, les dieux, ce sont des concepts. Tout ce qui fait partie des croyances, ce sont des concepts. Tout ce qui est théorique est un concept. Et tant qu'un individu ne vibre pas d'une façon très différente de l'émotivité ou encore du phénomène divin, religieux, théologique, les choses ne peuvent être que des concepts. Dans les concepts ceux qu'on connaît le plus, donc, le double éthérique, ces choses-là. Quel est le concept le plus puissant du 20e siècle? Est-ce que c'est le concept du double éthérique? Si je dis ça au début de la conférence, c'est faux. Ben, je te pose la question. On en parlera pendant une heure après. Est-ce que c'est lui le plus puissant? Non, le double éthérique, ce n'est pas le plus puissant concept du 20e siècle. On a des concepts qui, à chaque décennie, à chaque centenaire, à chaque millénaire, apparaissent. On a eu un concept extraordinaire, celui de l'espace-temps mené par Albert Einstein, mais ce n'a pas été non plus le plus puissant concept du 20e siècle. Le Nazaréen a permis à l'être humain de créer différents concepts, et le concept le plus puissant de l'époque nazaréenne a été l'idée qu'un Dieu voulait sauver l'homme, et qu'un Dieu père aimait, protégeait, ne demandait presque rien à l'humain, et le sauverait dans un retour céleste, le Christ qui reviendrait sur le plan planétaire pour sauver l'humain. Ça a été le plus puissant concept de l'époque nazaréenne. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il couvre la planète au complet, même si à l'époque, il n'y avait pas de masse média, il n'y avait rien, pour pouvoir communiquer l'idée même du nazaréen. Alors, ça a été le plus puissant concept, ça a été qu'un Dieu sauverait l'homme. Mais il n'est pas seulement d'un siècle, lui, il est... Ah, mais le concept apparaît à un moment donné. Il peut rester pendant longtemps, ben oui. Pendant 20 siècles. Les concepts antérieurs étaient des concepts qui disaient que les dieux jouaient avec l'homme. Alors, on a eu un peu avant le Nazaréen, si on regarde la Grèce, si on regarde la Rome, si on regarde énormément de peuples, où on avait les dieux, les demi-dieux, les guerres entre les dieux, les jalousies, les ci et cela, et l'être humain devait avoir la faveur des dieux pour que le dieu qui jouait aux échecs ne joue pas avec lui. C'est un concept intéressant. Par la suite, on a amené un concept, celui du monothéisme, qui était original, mais le Nazaréen a amené le plus grand concept, celui du Père qui veut sauver ses fils, c'est-à-dire qui veut sauver l'humain. Donc, dans ce concept, on retrouve l'idée que l'homme, la femme, évidemment, peut un jour, parviendra de toute façon à faire exactement ce que le Nazaréen a fait, donc que ses humains auraient la même puissance à exprimer que le Nazaréen, que le Père créateur, le Père céleste, le Père cieux, et finalement le moi-même, donc de la part du Nazaréen, que le Père créateur voulait, aimait premièrement, alors qu'avant on craignait Dieu, maintenant on savait qu'on n'avait plus besoin de le craindre, il nous aimait, cela fait partie du concept, et qu'il sauverait les bons, et qu'il y aurait même une résurrection des morts, c'est-à-dire à un moment donné où les individus qui dans leur vie ne peuvent absolument rien faire d'autre que d'être manipulés et mourir, seraient ressuscités à un moment donné, de l'histoire de la planète, et vivraient en même temps que le Père qu'ils n'ont jamais connu, et en même temps que le Christ qu'ils ont connu, selon eux, dans un monde extrêmement paradisiaque, une forme de Jérusalem à l'époque qui était la grande ville de la place, céleste. C'était un concept extraordinaire, intéressant. Le concept, c'est la digestion, la prédigestion d'une connaissance ou d'un savoir supplémental qui, s'il n'est pas prédigéré, donc s'il n'est pas conceptualisé, n'est pas accessible à la conscience de l'humain. Prédigérer ou conceptualiser, ça veut dire que dans l'intelligence supplémentale, nous devons connaître suffisamment la psychologie des humains, leurs besoins, leurs nécessités et les trames psychologiques qui constituent leur ego, de façon à prendre ces éléments pour les atténuer légèrement et les associer à quelque chose de neuf. On appelle cela souvent faire un parallèle. Lorsque l'on fait un parallèle, on engendre un concept. Lorsque l'on dit « Dieu est comme un père », on fait un parallèle. Et là, l'humain reçoit une énergie prédigérée, c'est-à-dire qui maintenant a une forme digestible par la conscience psychologique de l'humain. Un père, ça me plaît. Donc, on s'ouvre au concept. Ce père peut punir. C'est évident, on le sait, tous les pères punissent. Ce père peut sauver, peut aimer. Et la majorité, finalement, de l'établissement de ce formidable concept va être échelonné par le Nazaréen à partir de la réplique exacte du père et des enfants. On aura le retour du fils prodigue, on aura le père qui lègue ou qui s'en va en voyage, qui lègue ses avoirs et ses moutons à ses fils. Alors, il y en a un qui perd tout, etc. Ce concept, donc le concept, c'est lorsqu'il y a un vent supramental qui, à l'époque, porte le nom d'énergie christique et, dans le langage du Nazaréen, d'Esprit Saint, l'esprit pur, non coloré par l'ego. Ce vent supramental, lorsqu'il touche la tête de l'homme, de la femme et de l'enfant, est normalement indigestible. C'est-à-dire qu'étant donné que l'humain n'a pas suffisamment de contact avec son ajusteur de pensée, étant donné que l'humain n'a pas suffisamment conscience qu'il a un ajusteur de pensée, étant donné que l'humain ne fait référence, ne communique avec autre chose que ses sens, que par le canal réincarnationnel, le cordon d'argent, avec le monde de la mort, étant donné que l'humain intellectuel ne fait confiance qu'à sa mémoire et qu'à l'expérience traditionnelle des ancêtres, de l'école, de la société, etc., l'humain n'est pas bâti, son antenne est retournée vers l'astral et non pas vers quelque chose de neuf comme l'intelligence supramentale. De ce fait, lorsque le vent supramental souffle, l'être humain ne peut rien faire avec. Ce vent, ajusté par un ajusteur collectif, le Nazaréen peut en être un, et il y en a d'autres aujourd'hui, il y en a eu aussi un peu dans le passé, l'ajusteur collectif va donc recevoir le vent supramental, prédigérer l'information de façon à créer un parallèle pour déjouer le médiocrisme et la faiblesse des égos humains, de façon à ce que ceux-ci, dans l'apparence qu'ils n'ont rien changé de leur vision spirituelle, changent totalement de direction. Alors, lorsque l'on croit en une forme de divinité, si ce Dieu devient un Père créateur, le Père créateur reste une divinité, on a l'impression qu'on comprend mieux ce que l'on croyait, mais on ne se rend pas compte qu'on est carrément changé de concept. Lorsque l'on va dire « il y a un seul Dieu et les autres dieux sont des anges, des archanges, etc. » Ah, ben oui, mais ça a de l'allure. On vient carrément changer de concept. Mais on n'a pas l'impression d'avoir changé de concept. Lorsque, à un moment donné, on va amener la réincarnation, d'ailleurs, à l'époque du Nazaréen, le Nazaréen en a parlé beaucoup, mais il faut comprendre que le premier évangile a été écrit 93 ans après la disparition du Nazaréen, donc les prêtres de l'époque avaient extrêmement atténué et joué avec les histoires comme ils voulaient. Et ça va s'échelonner jusqu'à quelques centaines d'années après la disparition du Nazaréen pour qu'on ramasse les quatre évangiles qui vont être conservés dans la Bible alors que la majorité des apôtres ont écrit des évangiles qui seront finalement apocryphes, qui ne seront pas retenus par l'idéal biblique catholique romain. Le concept permet donc à un être extrêmement planétaire, terrestrifié sinon terrorisé, qui ne comprend rien, d'observer un volcan et de se faire une idée très, très, très animale, très matérielle, même très minérale, de ce que c'est que la planète et sa condition de vie. Et dans sa conscience, on va dire, le volcan, à l'intérieur du volcan, il y a du feu, a sollicité en masse, il a perdu la moitié de sa famille là-dedans, et le feu peut te tuer, mais le feu est aussi quelque chose qui peut te sauver. Il te réchauffe, mais si tu ne le respectes pas, il te tuera. Pour l'humain, il vient maintenant de canaliser une grande partie de sa recherche, consciente ou inconsciente, de son existence dans le volcan. Alors, le volcan devient un concept très intéressant qui permet à l'humain de canaliser ses espoirs dans le volcan et de canaliser ses peurs dans le volcan. L'avantage de ce concept est tous les concepts théologiques proviennent du volcan, c'est similaire, c'est qu'au lieu de craindre 800 ennemis répartis à travers tout ce qui existe. Tous les ennemis sont placés dans une boîte, le volcan. Alors maintenant, tu peux vivre en conformité avec une forme de communication qui, le volcan devient comme le crucifix, est un canal de concentration par lequel l'âme, en communiquant avec le volcan, parvient à toucher à son esprit. Mais il ne le sait pas. Il appelle cela le volcan. Le concept, ça vient teinter la réalité. Non. Le concept ne vient pas teinter la réalité. La réalité est totalement teintée. Le concept vient rendre un peu plus diaphane le filtre. Le concept vient purifier le mensonge. Lorsque l'individu était convaincu que tous les tyrannosaures de la place lui en voulaient à mort, que la planète au complet voulait le tuer, qu'il ne connaissait pas les mots, mais qu'il était comme un microbe sur une peau, que l'eau pouvait le tuer, il ne pouvait pas ramper sur l'eau, que le froid le tuait, que la neige le tuait, que tous les animaux le tuaient, que des plantes que tu mangeais le tuaient ou le rendaient malade, ce n'est plus vivable. À un moment donné, quand tu décides que tout ça au complet, c'est grâce à cause de ce maudit volcan-là, et qu'en faisant un sacrifice humain, ou qu'en allant offrir certaines choses au volcan, le volcan te laisse prendre de sa lave, c'est que tu finis par te dire, si je lui donne ça, il va être plus doux. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'en lui donnant ça, tu crois qu'il va être plus doux, donc tu as moins peur. Ayant moins peur, tu évites les dangers. Te rapprochant, tu ramasses peut-être de la larve chaude ou tu prends un morceau de bois qui est en feu. Et le volcan t'a fait un cadeau. Cette façon-là te permet de bien dormir parce que là, tous les ennemis réunis dans le volcan, ce soir, t'aiment, ils t'ont donné le feu. L'humain arrive à vivre sur une planète totalement invivable. Mais la réalité dans cet exemple-là, c'est que la glace peut le tuer, le froid, les animaux, ça n'enlève pas ça, cette réalité-là. Donc, ça enlève cette réalité. Absolument pas. Parce que les peuples les plus évolués ont toujours été les peuples les plus théologisés. Donc, celui qui arrive à contenir un concept suffisamment puissant est un être humain qui maintenant est capable d'instruire son ego pour que l'ego l'autorise à faire des choses. Quand on a une divinité, un dieu qui, par exemple, vous dit que si vous faites suffisamment le colita, personne ne sait c'est quoi, mais on va le chercher, bien, vous parviendrez à être totalement immortel, vous n'aurez plus besoin de manger, vous pourrez traverser les murs et voler dans les airs, vous pourrez faire tout ce que votre imagination pourra vous amener. Là, les individus qui pensent au suicide, les individus qui avaient peur de n'importe quoi, tu dis le concept fausse pas. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de conscience espritique, la vision que tu as du plan planétaire devient faussée par ton concept. Mais comme l'humain est dans la réalité cosmique, relié à de l'esprit non terrestrifié, donc non effusé, qui ne connaît pas l'expérience planétaire, mais qui n'est pas non plus oblitéré par le contact expérientiel avec la planète, nécessairement, le concept que tu donnes est un pas de plus vers une réalité. Je ne te parle pas de la glace, je te parle d'une réalité beaucoup plus plaisante, celle qui engendre la glace et qui engendre le froid sur ta main. Mais, temporairement, l'individu qui, lui, a ce besoin d'éclater à quelque chose d'autre qu'à de l'absurde, la planète Terre n'est qu'absurde, le concept va lui permettre de réunir suffisamment d'énergie pour autoriser son ego à aller chercher une phase évolutive, à progressivement grimper et se sortir de ses problèmes. Le concept ne colore pas. Et le danger, c'est que quand on est trop intellectualiste, là, on regarde un concept et le moindrement qu'on voit quelqu'un mettre une valeur émotive dans le concept, bien, ce concept-là, il nous pue. On veut le jeter, on veut le brûler, on veut le détruire. Et là, on dit, les concepts, c'est toujours des dangers. Mais une théorie scientifique, c'est pas pareil. Dans la théorie, c'est la même maudite chose. Il y a des physiciens, des astrophysiciens qui se sont battus presque à mort pour défendre leur théorie. Leur théorie, pour eux, était une croyance. C'était un concept ou une croyance? C'était, pour eux, une croyance. Ils appelaient ça théorie parce que ça paraissait bien. Je répète, le concept, c'est lorsque tu es capable de voir une théorie émotivement et une croyance intellectuellement, et que la croyance et la théorie sont la même chose, c'est un concept. Moi, si je parle de la réincarnation, si je vais dans le monde de la mort, si je vérifie que les individus meurent, si je vérifie de quelle façon ils se font digérer dans le monde de la mort lors de la vraie mort, si je vérifie que les individus qui se réincarnent sont des individus qui, fusionnellement, pluralitairement, constituent un ego qui est en phase de croissance, alors, je peux dire que ce n'est pas un concept. Mais, étant donné que je reste extrêmement méfiant de toutes les visions que l'on a dans le contexte planétaire, ce n'est pas un concept, ça reste que ça peut être un concept, alors je le considère comme un concept, mais pas comme une théorie et non pas comme une croyance. C'est-à-dire que, présentement, c'est l'association de toute l'expérience que j'ai, placée dans la forme la plus logique pour moi, Et ça, ce sera un concept. Un concept planétaire, comme celle du Dieu qui peut sauver l'humain, amené par le Nazaréen, c'est un concept totalement faux. C'est un concept totalement vrai. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas uniquement de la chair. Le concept le disait. L'être humain, un jour, fera la même chose parce que Dieu va l'autoriser. Dieu n'autorisera jamais l'humain, mais l'humain parviendra à faire les choses. Et parce qu'à l'époque, l'humain était tellement subjugué par les mémoires ancestrales qui vont donner naissance aux égrégores des dieux, parce que l'humain était tellement écrasé par les dieux, tu ne peux pas dire à des humains dans un concept, « Un jour, vous planterez Dieu. » Alors que tu sais très bien que Dieu peut t'envoyer la foudre n'importe quand. Alors tu vas dire un Dieu, un jour plutôt, Dieu vous autorisera à faire des choses. Alors pour l'humain, il vient de faire un pas. Pourquoi? Parce que dans ce pas, il va dire, « Si Dieu m'autorise, je peux. » Tout ce que l'on veut cosmiquement, c'est que l'ego s'autorise à. Lorsque l'humain, convaincu que son maître, c'est ce que tu voudras, ben, lorsque l'humain dit « le maître veut », ah oui, ah ben, tabarouette, tu y vas. Exactement comme tu manges des pommes, mais Dieu ne veut pas. Ces pommes te donneront toujours la colique. La journée que Dieu veut, ils ne te donneront plus la colique. Est-ce que c'est parce que quand tu les mangeais sous l'interdiction de Dieu, tu étais tellement stressé, tellement nerveux que les digérants mal t'avaient la colique? C'est possible. Mais le concept que Dieu accepte que tu en manges est un concept extrêmement salutaire parce qu'il faut bien comprendre que la conscience de l'homme dans le passé comme celle de l'humain actuellement n'est pas extrêmement réveillée. Est-ce que le concept pourrait être l'équivalent d'un mensonge pédagogique que tu utilises avec les enfants de Teflon? Le concept n'est pas tout à fait... disons que c'est un hyper, super mensonge pédagogique qui contient de la vérité. Mais le mensonge pédagogique est plus l'accréditation d'un fait que se servir d'un fait en le transformant pour faire accepter autre chose. Le concept, c'est qu'on prend l'illusion humaine et on se sert de l'illusion en altérant certaines petites choses et en ramassant des choses que l'humain recherche fondamentalement. On les inclut dans le concept, et là, la majorité des humains acceptent le concept. Est-ce que l'énergie supramentale, c'est un concept? Ah bien, c'est évident que l'énergie supramentale, c'est un concept. Est-ce que c'est le plus puissant concept du 20e siècle? Non. Mais c'est un maudit bon concept qui est inclus dans le concept. Tu sais que l'être humain ne comprend rarement l'idée qu'à travers tous les plans qui manipulent sa vie, tous ces plans sont inclus dans des plans, qui sont inclus dans d'autres plans, qui sont inclus dans un plan. Parce que l'humain a une conscience nombritique, il essaie toujours de comprendre toute l'évolution, toute la problématique de sa vie ou de l'univers en fonction de ce qu'il voit. Mais ce qu'il voit, c'est un plan à travers un paquet d'autres plans, inclus dans des plans, qui sont inclus dans des plans, inclus dans un plan. Puis quand on parle de plan, le plan, c'est un concept. Il n'y a pas d'architecte. Il y en a beaucoup de plans là-dedans. Ah oui. C'est un plan dans des plans. Est-ce que les plans peuvent être des vibrations, des longueurs d'onde? Tout ça, c'est des concepts. Tout des concepts. L'énergie supramentale, c'est un concept. L'énergie supramentale. Le double éthérique, c'est un concept. Oui. L'énergie supramentale, c'est un concept, mais on peut la mesurer. Le temps, c'est un concept, le temps. C'est mesurable avec des appareils qui sont assujettis à l'évolution dans le temps. Mais c'est un concept, le temps. Si tu prends un vaisseau spatial, tu le fais voyager en orbite autour de la planète Terre à la moitié de la vitesse de la lumière, le chronomètre à l'intérieur va battre le temps régulièrement pour celui qui est en dedans. Après 2 heures, il descend sur la planète Terre, puis là, on compare, puis les chronomètres planétaires ont battu 4 heures, puis le sien a battu 2 heures. Alors, puis lui, donc, a vieilli un peu plus lentement que les autres. Mais si tous les mondes dans le vaisseau se vérifient, il n'y a rien qui a changé. Puis si moi, je connais la vitesse des secondes, je vérifie 1, 2, 3, c'est parfait. Sauf que mes secondes et tout ce que je fais, quand je reviens sur le plan planétaire, où ceux d'en bas disaient 1, 2, 3, tout est parfait. Sauf que j'aurai un décalage dans le temps. Donc, le temps est aussi un concept, et le temps, même bien qu'il est mesurable, est une illusion. Le temps est relatif, comme disait Albert. Oui, bien, c'est très relatif. Alors donc, ça devient une illusion qui est mesurable. Exactement comme si on se sert des étoiles pour faire notre position sur l'océan, bien, la majorité des étoiles n'existent plus, ils ont éclaté depuis longtemps. Mais étant donné que la lumière qui a été émise il y a 1 million d'années est encore en circulation, l'étoile n'est plus là, Mais on a encore peut-être 500 000 ans à voir cette étoile-là, jusqu'à temps que le faisceau arrive à nous. Comme quand on ouvre un boyau d'arrosage, on arrose. Quand je l'éteins, ben ça continue à s'en aller jusqu'à temps que ça arrive. Alors la personne va dire « Cesse de m'arroser, j'ai arrêté. » Oui, mais il y a encore 20 pieds d'eau dans les airs. Quand le gars coupe, ben, le 20 pieds d'eau, il continue jusqu'à temps que ce soit éliminé. Par contre, on va dire, quand on regarde les étoiles, elles sont toujours là. Puis là, pantoute. Mais ce concept nous permet d'avoir une position précise, parce que l'illusion est précise. Mais ça n'empêche que c'est de l'illusion. L'énergie supramentale, c'est un concept. Pourquoi? C'est mesurable. Ça a une incidence cosmique, ça a une incidence galactique, ça a une incidence stellaire, ça a une incidence planétaire, ça a une incidence au niveau de tout ce qui est terrestrifié, donc au niveau des structures évolutives, l'humain. Ça a une incidence. Le monde astral aussi, le plan bouddhique aussi. Absolument. Prenons l'exemple de la Lune, des marées et de la Terre. La Lune, elle est là, et puis quand elle est quelque part, l'eau de l'océan monte pour rejoindre la Lune. Hein, ça monte, ça fait une marée. La question est, comment l'eau sait qu'elle doit monter là parce que la Lune est là? Comment l'eau peut savoir où est la Lune? Bonne question. Très bonne question. Et là, on dit, c'est la gravité. La gravité, c'est un concept. Parce que la gravité, c'est quoi? Pourquoi ça attire la Lune, mais ça attire pas mon verre? Et on sait qu'il y a aussi des marées géologiques. La Terre subit les attraits des planètes, donc il y a aussi des marées planétaires. Mais comment cette matière sait-elle qu'elle doit être attirée? La Lune envoie un messager. Quand le messager frappe certaines choses, bien, ça réagit. Mais la gravité elle-même est une théorie intéressante, qui est totalement un concept, qui un jour sera sublimé. On va parvenir à traverser ça, à transcender ce concept. Mais en attendant, c'est un concept utilisable. Newton, quand il a dit que lorsque l'on poussait quelque chose, on appliquait de l'énergie à un corps, le corps se mettait à bouger. Quand on essayait d'appliquer de l'énergie, il arrêtait. Ben, c'était vrai. Alors, on a mis des bœufs devant les charrues, on a fait avancer les bœufs. Quand les bœufs ne donnaient plus d'énergie à la charrue arrêtait. Et on a fait plusieurs lois planétaires qui servent encore aujourd'hui. Mais on sait aujourd'hui que c'est totalement faux. On sait très bien que c'est parce que la gravité et la friction, qui sont d'autres forces, tirent, que ça arrête. Mais si on prend un corps pour le mettre dans l'espace, si tu le pousses, il s'en va éternellement. Pour l'arrêter, il faut que tu appliques une force. Même chose sur la planète. Mais on ne voit pas la friction et la gravité. Alors on se dit, quand tu arrêtes de mettre de l'énergie, le corps arrête. C'est tout vrai. Et on fait des lois mathématiques qui s'appliquent à ça, et c'est vrai. Mais le moindrement qu'on s'éloigne un peu du contexte planétaire, on se rend compte que c'est tolérable dans le contexte planétaire, mais que c'est faux. Quand tu dis c'est vrai, la vérité aussi, c'est un concept. Ah oui, c'est évident. La vérité, c'est un concept qui date de pas mal avant Jésus-Christ. La vérité, c'est un concept extraordinaire, formidable, qui permettait à l'humain d'accepter les concepts. Le mensonge, c'est la vision que l'humain a des choses. La vérité, c'est la vision ajustée des choses. Je dis souvent que la vérité, c'est la coloration de la réalité, que le mensonge, c'est la coloration de la vérité. Mais du point de vue de l'humain, là, c'est un point de vue cosmique, du point de vue de l'humain, alors tout, il invente des choses. Par la suite, progressivement, il se rend compte que c'était faux. Vu que c'est faux, il voit que c'est faux. Voyant que c'est faux, il voit plus juste. Et ce plus juste, il doit l'appeler. Alors, il l'appelle vérité. Et ça l'a permis à la majorité des consciences évolutives humaines de pouvoir grimper d'échelon en échelon. C'est sûr que les individus vont se battre pour la vérité. Mais la vérité, il faut qu'elle soit au moins supportée quelque part solidement dans la conscience humaine, même si l'humain, à cause de son égo, pour ça, se bat pour. Le concept est donc la digestion faite par un ajusteur collectif d'une information, d'une mémoire. Le plan supramental, c'est un concept, mais c'est aussi de la mémoire galactique, c'est-à-dire que c'est l'expérience de l'effusion de mécanique en énergie et de l'effusion des énergies en matière. Lorsqu'il y a un vent supramental, l'être humain ne sait quoi faire avec. Pourquoi? Parce que l'être humain a une vision astrale, une vision donc expérientielle planétaire. Moi, je peux me rappeler mon grand-père, je peux subitement avoir des peurs, je peux aller quelque part sur la planète Terre et avoir l'impression d'être déjà passé là. Je peux rencontrer quelqu'un et dire, « Crime, semble, ça fait qu'on se connaît depuis longtemps. » Bon, je peux faire plusieurs choses comme ça. Certains peuvent prévoir l'avenir, certains peuvent avoir des intuitions particulières, d'autres tirent aux cartes, on a l'astrologie, on a même la chirologie. On a des choses du genre, on a des personnes qui vont vous dire exactement quelle maladie vous avez. Bon, il y a des hommes d'affaires qui vont immédiatement ramasser la bonne chose, de l'information planétaire. Mais parce que l'être humain est toujours limité à cette information planétaire, il ne peut concevoir dans son évolution le pourquoi de la planète. L'œuf, tout ce qui est résumé dans l'œuf, n'explique pas à l'embryon d'où vient l'œuf. Si tu prends, tu as un embryon dans l'œuf, tu regardes de l'albumine, tu regardes le calcium, tu regardes l'air, tu regardes ces choses-là, ça ne te décrira jamais la poule. Alors, tu vas te faire une... Si tu es en train d'élaborer une conscience au sein même de l'œuf, bien, nécessairement, tu vas... Je suis jaune, il y a le blanc, je suis jaune parce qu'il y a le blanc. Si tout serait jaune, j'aurais même pas d'idée que ça existe, le jaune. Là, il y a l'albumine, j'en mange, mais ça vient de où? Il y a une petite poche d'air, il y a quelque chose qui m'alimente, il y a... Bon, mais ça vient de où? Et progressivement, il y a une main qui circule, je me rends compte que je peux la contrôler. Plus tard, je saurai qu'elle est reliée à mon corps, c'est une aile. Mais ça vient de où? Alors, si je suis en train de développer une conscience, il faudra que j'aille des explications. Il n'y a rien à faire. Alors, je veux dire, il y a quelque chose qui a besoin de moi, il y a quelque chose qui m'aime, il y a, bon, là, je vais rapidement, parce que l'humain n'a pas parlé de la poule. Est-ce que le jaune d'œuf pourrait avoir le concept de la poule? Non. Jamais le jaune d'œuf n'aura le concept de la poule. Le jaune d'œuf, à un moment donné, va grossir assez, il n'y aura presque plus d'albumine, et là, il va toucher une enveloppe particulière qui se décolle, hein, une petite enveloppe, une petite peau dans en toute la coquille, et il va toucher le calcium. Et là, il va te frapper, il va gratter, ça, c'est l'univers. Et là, il va bien se rendre compte que l'univers s'arrête là, parce qu'il y a beau taper dedans, ça ne sert à rien. Ils font un bec, et le bec n'est pas encore prêt, il est mou. Et là, il devra conceptualiser quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'après, dans son évolution, ben là, l'albumine, il n'a plus. Bon, il y a eu un temps où les étoiles, c'était fixe, ça ne bougeait pas, c'était immuable, c'était la perfection. Ben, quand on a commencé à voir des étoiles se promener, etc., la perfection changeait. Notre embryon... Le poussin qui n'est pas encore sorti n'aura aucune idée. Mais à un moment donné, il devra décider de briser un dernier concept qui est la coquille. Briser à la coquille, il brise tout, mais totalement tout, l'œuf, le jaune, tout. Il ne reste plus rien. Il reste quoi? Il reste des morceaux. Il reste bien d'autres choses à voir que les morceaux de coquille. Puis il reste quelque chose que tu n'as jamais vu parce que là le poussin n'a pas encore battu tes ailes dans l'œuf. Hein? Ses pattes, il ne savait même pas à quoi ça servait. Subitement, il se ramasse dehors, il tombe un peu, puis il y a un appareil photo qui prend des photos, tu sais, il est venu au monde d'une annonce d'un commercial publicitaire. Puis là, il s'en va, et le matin, il devra recommencer. Le concept, c'est ce qui permet... Mais qu'est-ce qu'il devra recommencer? Et conceptualiser les choses. Parce que là, il peut s'imaginer que voilà, il a atteint le paradis, mais il ne sait pas encore qu'il va finir chez Poulet Machin. Bon, il n'a pas encore compris. C'est peut-être pas un saint encore. Non, mais ça dépend. Une fois digéré, il se ramasse dans un corps physique d'humain, donc il fait partie de l'évolution humaine, ce qui fait qu'il continue son évolution. Mais il faudra qu'il réajuste des concepts. Ouais. Mais... De l'œuf à l'église ou de l'œuf à la lune. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule? Mais ça, on s'en fout. Les deux en même concept, temps. Le concept, ça aussi. Les deux en même temps. Non, mais les deux en même temps. Maintenant, donc, l'humain avance. Le concept, c'est lorsque notre poussin dans l'œuf reçoit, entend parler de l'extérieur, que ah, l'œuf est presque prêt. J'ai hâte qu'il éclos, que le poussin casse la coquille. Il ne comprend rien de ça, lui, là-dedans. Parce que là, on a besoin d'une poule. Ça, c'est de l'information qui provient de l'extérieur, donc qui ne provient pas de l'intérieur. L'énergie supplémentaire est similaire à la voix que le poussin dans l'œuf entendrait de l'extérieur. Alors, là-dedans, il va se décrire, mais il y a quelque chose que je perçois. Il pourra peut-être imaginer des dieux, des ci, des ça, il pourra s'amuser en masse, sans conceptualiser, évidemment, que ces personnages qui surveillent attentivement son éclosion sont mortels, sont évolutifs, se chicanent, s'entretuent, etc. Ça, il ne peut pas le conceptualiser. Quand il va arriver devant un être humain, ça va être le dieu parfait, homme ou femme, il va le suivre. Bon. Et il ne pourra jamais conceptualiser qu'il y a autre chose. Pour lui, c'est la finalité. Exactement comme l'humain dans le monde de la mort, ou lorsque l'humain pense rencontrer Dieu. Quand un être humain rencontre Dieu, il n'a pas rencontré la finalité de l'évolution planétaire. Il rencontre la finalité de son concept. Mais maintenant qu'il a rencontré la finalité de son concept, il y aura d'autres choses à faire. Sauf s'il décide de suivre pénatement le bonhomme ou la bonne femme, puis s'en aller comme ça, puis en se posant plus de questions. Quand le bonhomme, il dit... Fais tes besoins là, le poussin, il fait ses besoins là. Puis quand le bonhomme, il dit saute sur la table, le poussin saute sur la table. Là, il sait pas le poussin qui est rendu dans un cirque. Il pense que c'est comme ça, tu dois plaire à ton créateur, à ce que tu voudras. Notre poussin, il va suivre. Il est dans sa coquille, il entend parler, cette information ne lui dit rien. Et là, maintenant, tu prends une poule, tu la mets à côté. Puis la poule, elle a été dressée, c'est une poule un petit peu intelligente, qui est capable de faire des coco-coco quand c'est le temps. Et puis la poule, peut-être qu'elle peut digérer l'information pour que le poussin comprenne. Peut-être pas, le poussin n'a pas encore assez de conscience, mais c'est un parallèle qui, à un moment donné, doit arrêter. L'humain a la même chose. L'humain est dans une coquille qui est le monde de la mort. L'humain est dans une coquille immense. Différemment du poussin, c'est que nous créons nous-mêmes le blanc qui va nous nourrir. Chaque fois que nous sécrétons, chaque fois que nous avons de l'émotion, chaque fois que nous mourons, nous allons énergiser ce plan, et ce plan devient, à un moment donné, de l'âme dans un corps physique. Phénomène réincarnationnel. Tant et aussi longtemps qu'on a fabriqué, on n'aura pas besoin de corps à coquille. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas. Oui, pourquoi? Parce que l'humain ne parvient pas à un écœurement d'écœurement. C'est-à-dire que la pression interne n'est pas suffisante pour qu'à un moment donné, quelque chose éclate. Et cet éclatement-là, ce n'est pas un éclatement extrêmement douloureux. C'est un éclatement où tu commences à rayonner des choses. Bon, la chaleur interne finit par être supportable et tu commences à rayonner des choses. Mais ça, c'est l'ensemble des humains de la planète qui doivent... Non, ça commence par... Ça peut pas arrêter tout le monde en même temps. Là. Non, les poussins, les coquilles éclatent pas tout en même temps quand même. À un moment donné, est-ce oui, est-ce que c'est une grande coquille comme étant la planète ou chaque individu a sa propre coquille? Oui, chaque individu a sa propre coquille et la planète a sa propre coquille. C'est-à-dire que tous les poussins sont dans un poulailler. J'ai 8000 œufs et j'observe les 8000 œufs. Et puis à un moment donné, ben, je m'attends pas à ce que, paf, ça y est, elles sont toutes, bon, il y en a un qui va se faire. Il y a quoi, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et là, mathématiquement, on peut prévoir une accélération. Puis subitement, ben là, ça va jaunir, hein, les poussins, ça va sortir. Puis à un moment donné, ben, il y aura des retardataires. Bon, c'est ce qui va arriver. Au niveau de l'humain, c'est la même chose. Puis quand c'est tout, pas mal, tout éclos, ben là, celui qui éclos, s'il éclos deux jours avant, on le sort du poulailler. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre que tout le poulailler soit plein pour qu'on le sorte du poulailler. Qu'est-ce qui leur arrive à ceux qui retardent la terre? Bien, ceux-là, dans le cas des poussins, ben les poussins, ils peuvent écraser quelques-uns. Est-ce que justement, ceux qui ont cassé leur coquille, comme dans le cas de l'évolution, ça pourrait être la même chose, c'est-à-dire qu'ils se fassent catalyser par... C'est ce qui arrive. Les poussins qui sont autour vont écraser des œufs un peu autour d'eux autres. Et c'est comme les poussins dedans sont prêts à sortir. Quand tu casses leur coquille, ben le poussin, il s'en fait mal un peu. Mais là, il se ramasse dehors pareil. Parce qu'il est prêt à lui aussi à éclore. Alors finalement, il n'y aura pas de problème. Mais les parallèles sont toujours quand même limités à un moment donné. Donc, on ne peut pas tout expliquer l'évolution de l'humain à partir des œufs. Mais je n'y vois bien qu'il y a des compagnies qui en profiteraient. On a fait un bon bout, là. C'est ça. Est-ce qu'on est une douzaine? Est-ce qu'on peut se diviser? Bon, je vais voir. Donc. Est-ce que l'œuf brun est meilleur que l'œuf blanc? Hein? Ça est noir pour poser la question. Bon, en tout cas. Donc, le concept permet. Le concept, c'est exactement lorsque l'on entend quelque chose qui parle de nous, mais qu'on n'a rien à faire avec ça. Pourquoi? Parce que si un jour, une personne qui ne m'a jamais entendu parler, par exemple, entend parler de la conscience lucide, entend parler de l'anégoïsation, entend parler du double éthérique, entend parler de l'ajusteur de pensée, entend parler du plan bouddhique, entend parler de l'amour intelligent, de l'intelligence qui a du cœur, entend parler de la réincarnation fusionnelle ou pluralitoire, entend parler des phénomènes amiques, entend parler du canal réincarnationnel, entend parler, bon... Ça l'entend parler de tout ça le même soir, là, on va se demander qu'est-ce qui se passe. Oui, habituellement, elle décroche avant. Ce sont des concepts. Et ces concepts essaient de transmettre à l'homme une parole provenant de l'extérieur. Quand je dis une parole, fais attention, c'est quasiment spiritualisé. Il n'y a pas une entité qui est quelque part avec un micro puis qui dit, bon, ben la Terre là-bas, là, bouh, double éthérique. Démerdez-vous que ça. Et non. Par contre, il y a quelque chose, donc de l'énergie, parce que de toute façon, tout est énergétique, alors tout est énergique, alors on parle d'énergie, qui, à un moment donné, est capable de créer des mutations dans la coordination de l'information dans la structure neuronique de certains corps, de certains cerveaux, ce qui nécessairement engendre une transformation dans l'information astralisée. Donc, étant donné que l'ego est bâti ainsi que l'âme à partir des mémoires expérientielles, les mémoires que nous expérimentons, et des mémoires réincarnationnelles qui proviennent de l'instruction, qui proviennent du corps physique, etc., lorsqu'à un moment donné, il y a de l'information qui est neuve dans ces personnages, cela va restructurer leurs archétypes qui les habitent, et on appelle cela néotyper, c'est-à-dire créer de nouvelles formes sur les vieilles formes. Le néotypage va engendrer dans la communication de l'individu quelque chose de neuf. Dans le début, il posera des questions qui font peur, des questions bizarres, ou encore des questions qui vont détruire des concepts. Oui, mais si Dieu nous aime tant, pourquoi fait-il ceci, cela, cela, cela? Pourquoi y a-t-il l'injustice, les handicapés, etc.? Bon, et là, cette question-là, elle fait peur. Est-ce que la destruction d'un concept apporte de l'énergie à celui qui l'a détruit? Toujours. Celui qui détruit un concept chez lui, pas celui qui détruit un concept extérieur. Mais celui qui arrive à détruire le concept chez lui, c'est le poussin qui casse la coquille. Bien là, ça y amène énormément d'énergie. OK, ça l'a épuisé de casser la coquille, il traîne un peu. Après ça, quand il se remet sur ses pattes, il peut circuler, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Il va apprendre à voler, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Il peut sentir, voir, etc., ce qu'il ne pouvait pas faire convenablement avant. Avant, il sentait toujours la même affaire. Il peut faire énormément plus de choses qu'il en faisait avant, mais briser la coquille était essentiel. Il étouffait, et en même temps, ça l'épuisait. Et puis briser cette coquille-là, l'extérieur ressemble à quoi? Et c'est ça le problème de l'évolution de l'humain, c'est pourquoi on a besoin de concepts. La journée que certains parmi vous ici allaient briser, allaient éclater, quand je parle d'éclater, je dis bien que ce n'est pas un éclatement d'ego, dans le sens où on vient tellement en colère qu'on arrache tout, on s'arrache même la peau. C'est qu'à un moment donné, subitement, l'eau va goûter un peu meilleure. L'air pollué va être un peu moins pollué dans ton entourage. Il y aura des petits changements très minuscules qui vont progressivement apparaître. Les individus avec qui tu avais de la difficulté à communiquer, progressivement, la difficulté va s'estomper. L'humain est en train d'éclater. Il commence à rayonner. Il passe en deuxième vitesse. Ce n'est pas un éclatement où tu renverses tout. Ça, c'est dans la colère un peu avant. L'être humain qui va éclater, qu'est-ce qu'il va vivre? Qu'est-ce qu'il va voir? Ça a autant de différence entre le poussin qui arrive, ou on peut même encore parler de la chenille, si c'est le système traditionnel, la chenille qui meurt, devient un cocon, puis qui devient un papillon. On parle de la réincarnation comme ça. Mais c'est similaire un peu. La chenille, ce qu'elle avait comme vivant, comparativement au papillon, une bonne différence. Mais comment pouvons-nous vous faire comprendre à l'humain, faire comprendre à la chenille, ou faire comprendre au poussin, dans l'œuf, qu'est-ce que ça va être après? On va dire au poussin, tu vas pouvoir voler. Voler. Ça veut rien dire. Là, je lui ai expliqué que tu vas être capable de circuler dans l'air. Il n'y a pas d'air dedans. Bon, tu vas pouvoir te déplacer. Ouh, pas de place. Tu t'es creusé. Tous ces mots-là ne peuvent tellement rien dire que je devrais inventer un concept puissant pour que ce poussin daigne bien vouloir sortir. Alors, il y aura beaucoup plus de stuff blanc. Et puis, de temps en temps, tu aimais ça, de temps en temps, tu n'aimais pas ça. C'est juste du stuff que tu vas aimer, juste de la matière que tu vas aimer. Et puis, en plus, il y aura une coquille plus grande, plus évasive. Tu pourras tourner dedans. Et puis, en plus, c'est quand même pas trop, parce qu'il ne me courra pas. Bon, il ne faut quand même pas pousser, hein? Et là, c'est suffisant, c'est un concept. Et là, à un moment donné, il perçoit la chaleur. Son corps devient assez élaboré. Mais cette chaleur, c'est quelque chose qui provient de l'extérieur. Puis quand tu vas aller à l'extérieur, elle va t'appartenir à jamais. Bien, c'est évident. Ton cœur va battre, il va avoir, tu vas pouvoir te promener, la chaleur, tu es vivant. C'est tout faux. Puis c'est tout vrai. Mais là, si notre poussin a suffisamment de conscience pour gober tout ça, il va sortir. Puis en sortant, il va dire, mais c'est à quoi faire fourrer. C'est sûr. Bon, parce que là, on sort de l'incubateur, une boîte en carton qu'elle apprend. Pas juste à moi, la chaleur, il y en a d'autres qui apprennent. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, par contre, en même temps, il y a plus. Il n'y a pas le stuff blanc. Il n'y en a plus maintenant. C'est quelque chose de rigide qu'il faut qu'il bouffe à terre. Mais ça, il va finir par s'adapter parce que maintenant, il peut voler, il peut crier. Bon, on va couper le bout de bezel, etc. Il est né chez. Est-ce que le concept le plus. L'armée, en tout cas. Le concept le plus puissant du 20e siècle va faire en sorte de faire la gloire à toutes nous autres, les petits poussins, que le monde est meilleur puis faire craquer la coquille plus vite? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a besoin d'un nouveau concept? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau concept? Parce que c'est le même là, que tu dis depuis le Nazaréen jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas eu de spectaculaire à part ça. Du Nazaréen jusqu'à aujourd'hui, le concept a été que Dieu vous aimait et Dieu vous sauverait. Alors qu'on soit chez les Témoins de Jéhovah, qu'on soit chez les Mormons, qu'on soit même chez Mahomet, qu'on soit dans la majorité des religions qui sont postérieures au Nazaréen, le Dieu n'est pas nécessairement un Dieu de vengeance, c'est un Dieu qui t'aime. Il peut par contre te demander de tuer les impies, ça peut arriver, parce que les dieux se font la guerre aussi dans le monde de la mort. Mais ce Dieu-là aime et va venir sauver l'humain à une certaine date très politique. On ne sait jamais quand ça va arriver, mais c'était promis. Bon. Ça, c'est un concept extraordinaire. Et le danger de parler d'un concept, et pourquoi je voulais faire cette conférence sur les concepts, c'est que les individus, j'allais dire les imbéciles d'égo, mais bien souvent c'est ce qui arrive aussi, parce que les égos interdisent totalement à l'individu de grimper, c'est que les individus, ils ont tellement peur de certains mots, donc la majorité des intellectuels ont un concept de ce que c'est qu'un concept. Alors, ils ont peur des concepts. Si je dis que l'intelligence fermentale, c'est un concept, ah bon, ben crée, moi, il met ça poubelle tout de suite. Oui, ben c'est comme le poussin. Si je te... Ce que la vérité La réalité, la donne au poussin, il ne pourra jamais rien faire avec. C'est absolument, il n'y a rien à faire avec ça. Alors, je devrais m'arranger pour ajuster, pour qu'il comprenne quelque chose, pour qu'il soit canalisé dans une direction à éclater, à briser la coquille. Bon, le poussin qui brise là, qui brise là, qui brise là, qui brise là, qui brise là, il va être le dernier à sortir. Mais c'est une carotte. Si tu mets une carotte pour l'ego... Oui, on appelle ça carottiser le chemin. Par contre, l'individu qui est tellement orgueilleux dans son ego, qui est le poussin qui va se dire « Ah, comment ça, la chaleur? C'est même pas tout à fait ça. Ben, Christy, moi, je reste ici. » Mais c'est mieux que ça. Ben, c'est comment? Ben là, on va commencer à expliquer. Il y a un soleil, hein? C'est comme un petit œuf, là, mais c'est des milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus gros, hein? Puis toi, tu es sur une planète qui est des milliards de fois plus gros, puis tu tournes... Bon, franchement, là, tu sais, là, va dire, tu sais, encore des concepts, pousse, mais pousse égale. C'est ça, le problème de l'humain. Pousser égal veut dire pousser comme le poussin. Pousser pour qu'il comprenne quelque chose. Donnez-moi les menteries que je réclame et je vous croirai. Alors, on donne des menteries, les concepts. Mais les concepts ne sont pas des mensonges qui ont été construits dans le but de rendre occulte le savoir, dans le but de fermer le savoir à lui-même. Les concepts, ce sont des mensonges cosmiques qui sont engendrés dans le but de permettre à l'humain de les détruire et de voir mieux. Mais l'humain doit comprendre l'idée. Le temps est un concept, mais tellement bien ancré que ce concept-là, l'humain préfère dire « c'est pas un concept, crime, c'est une réalité. Hey, » Je le sais, ma montre, oui. Mais si vous pourriez voyager beaucoup plus rapidement, votre montre, elle tiendrait le temps aussi bon. Quand vous viendrez sur la planète Terre, vous pourriez aller dire, dans votre orgueil, « quelle heure as-tu? Ah non, hey, minute, tu prends de l'avance. » Le temps étant immuable dans mon concept, ta montre prend de l'avance. Là, je m'en vais 2 ans en vaisseau spatial. Quand je reviens, hey, fous-moi ça aux poubelles, ta montre, même les dates sont pas bonnes. Mais je pourrais m'astiner longtemps, uniquement parce que je ne veux pas accepter l'idée que l'idée que je me fais du temps est un concept. Ce concept est plaisant, convenable, il est fonctionnel dans un cadre particulier. Mais à un moment donné, notre conscience devra traverser ces cadres pour nous permettre de faire d'autres choses. Est-ce que le plus puissant concept du 20e siècle existe ou est à venir? Non, il existe, mais il est à venir. Non, ça, j'aime ça des réponses de même. En veux-tu d'autres? Est-ce qu'il existe et qu'on le connaît, on en connaît le nom, ou il existe et on n'en connaît pas le nom? Ben, le nom, il y a le nom. L'appellation. Il y en a un nom. Le nom, c'est l'homme. Puis quand je parle de l'homme, je parle de la femme et de l'enfant. C'est le concept du 20e siècle. Le plus puissant concept du 20e siècle, et il va persister plusieurs milliers d'années, c'est l'homme. Et il n'est pas encore connu partout, quoique beaucoup d'individus le développent chez eux, parce que ce n'est pas nécessairement une personne qui va venir vous dire c'est quoi le plus puissant concept. Le concept lentement apparaît, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont des contacts avec l'intelligence supramentale, donc leur esprit, mais qui la refusent. Mais l'homme, c'est pas un nouveau concept, ça fait longtemps qu'on a entendu parler de ça. Non. Oh non, non. Je ne te parle pas, moi, de l'animal humain, je ne te parle pas de l'esclave humain, je ne te parle pas de la souillure divine, je ne parle pas du mangeur de pommes, je ne te parle pas de ce genre d'humain. Je te parle de l'homme. Quel homme? De l'homme qui va supplanter les dieux. De l'homme qui est obligé de se sauver lui-même et non pas d'attendre après les dieux qu'on vient de sauver. De l'homme qui a accès à l'immortalité pour transcender les limitations implantées par les dieux dans le monde de la mort. De l'homme qui a la capacité d'avoir un contact total avec son esprit, ce qui va lui permettre de savoir même des choses qui n'ont jamais été sues. Je te parle de l'homme qui va avoir la capacité de faire des voyages par transport séraphique, de l'homme qui va avoir la conscience, non pas galactique, mais créationnelle, donc au-delà même de l'univers et des super-univers. Je te parle de l'homme qui va avoir la capacité totale d'appliquer ce qu'il est, même devant les contingences extraterrestres qui sont en phase d'évolution, mais qui présentement sont plus évolués que nous, parce que moins évolués, mais qui seront plus évolués lorsqu'on sera plus évolués. Voilà, c'est simple. Je te parle de l'homme qui, à un moment donné, sera capable totalement de transcender la nature atomique de son corps physique. Je te parle de l'homme qui, à un moment donné, aura une connaissance de la réalité qui sera différente de la connaissance qu'il a limitée par l'atomicité de son corps physique. On a la connaissance de l'univers à partir des électrons, à partir des photons, à partir de la lumière, à partir de la substance atomique qui constitue notre corps physique et qui amène l'information à un espèce de contenant qu'on appelle l'âme et qui aussi amène de l'information à les prémices d'un dôme éthérique, un espèce de troisième cerveau, qui canalise l'information réelle d'une expérience planétaire. Je te parle d'un être humain, d'un homme, donc d'une femme ou d'un enfant, qui ne viendra pas au monde, qui ne mourra pas, qui aura plusieurs corps s'il en a besoin, qui ne mangera pas, parce qu'il n'y a rien de plus ridicule que d'être un prédateur dans un système d'évolution. Je ne te parle pas de l'homme comme tu le connais. Donc, si on prend le concept l'homme serviteur de Dieu, l'homme sauvé par Dieu, l'homme qui va maintenant sauver les dieux. Ça, c'est le concept qui sera et qui est le plus puissant du 20e siècle. Dans ce concept est inclus réincarnation pluralitaire, ajusteur de pensée, dobétérique, mécanique supramentale, qui date de longtemps. La mécanique supramentale a été amenée en premier par Bouddha, elle a été récupérée par Aurobindo, Krishnamurti en a parlé. L'Esprit Saint, c'est le Nazaréen, c'est Pierre, c'est l'Église catholique, c'est Mahomet, c'est plusieurs autres personnages. Bon, mais c'est toutes ces mécaniques étaient alignées d'une façon, plaire à un Dieu, t'en aller à la droite du Père et être sauvé par ce Dieu. Ce qui engendre une certaine problématique de religion, suis-je dans bonne gang? Ben, c'est un problème. Si c'est le plus puissant concept du 20e siècle, l'homme tel que tu le décris, ça voudrait dire que c'est la fin des religions dans ce 20e siècle-là. Dans le 20e si ça siècle. Devient réellement le concept le plus puissant, il va falloir que les religions tombent. Oui, c'est parce que là, tu as un problème. C'est que pour toi, puissant et connu est égal. Moi, je te dis que c'est le plus puissant concept du 20e siècle. Je n'ai pas dit que ce sera le plus populaire concept du 20e siècle. C'est pas vrai. Voilà. Donc, est-ce que c'est au 21e siècle, 22e siècle, que ça va changer? Ah, ça va changer beaucoup d'humains dans le 20e siècle. On n'a pas fini, il reste encore 10 ans. Ces 10 années-là vont équivaloir aux 100 dernières années qu'on a vécues en termes de conscientisation dans la majorité des systèmes gouvernementaux et pays. Ça va être puissant pour celui qui l'a, mais ça ne veut pas dire qu'il va être répandu largement. Oui, mais le danger, c'est d'apprendre. Le danger d'apprendre, c'est que l'être humain, dans cette phase même, qu'est-ce que c'est que ce concept? On parle d'un homme, d'un surhomme, d'une surfemme. On parle d'un être humain qui a un savoir instantané. Et pour la majorité des êtres humains qui ont déjà écouté ce que je dis ou ce que d'autres ont dit dans la même voie, ils apprennent des choses. Mais un être humain, celui que je te parle, c'est un être qui n'apprend plus. Il peut aller chercher de l'information uniquement pour structurer. Lorsque je mange une pomme, ce n'est pas pour connaître la pomme. Je me fous de la pomme. Je veux l'énergie dans la pomme. Lorsqu'une personne vient à une conférence, fait un séminaire, lit un livre ou fait quelque chose, bien souvent, il conserve le concept. Alors, il prend la pomme pour la pomme. Il veut connaître la pomme. Il veut connaître la réincarnation. Il veut connaître ce que c'est qu'un dobétérique. Il ne veut pas développer, se diriger vers quelque chose d'autre. La négoïsation, c'est la forme de négo. Donc, plus d'égo, an, négatif, anégoïque, sans égo. La négoïsation, c'est la forme de l'égo. Dans l'Antiquité, on parle de l'humilité, on parle de ceci, on parle de cela, mais on autorise l'ego à jouer à l'humble. Mais c'est égoïque. La négoïsation, c'est un mot beaucoup plus juste dans le concept qui fait partie du grand concept. Mais l'être humain qui apprend la négoïsation, et puis moi, il revient d'une conférence et je parle pendant une heure de négoïsation. Qu'est-ce que son ego fait? Ah, oh, pas encore la négoïsation. Moi, je connais ça, je suis tanné. Il s'égoïse pendant que je parle de négoïsation. C'est ça le problème. C'est que le concept n'est pas une information intellectuelle qu'on amène uniquement pour plaire à l'ego. Le concept est quelque chose qui, c'est un contenant dans lequel il y a de l'énergie. Et le contenant lui-même, on doit l'abandonner. Lorsque je bois de l'eau, je veux de l'eau. Mais est-ce que je mange le verre avec pour que l'eau reste dans le verre une fois à l'intérieur de moi, de façon à ce que tout ce que je voulais avoir, je le garde chez moi? Est-ce que je voulais un verre d'eau? C'est ce que j'ai demandé. Amenez-moi un verre d'eau. Mais qu'est-ce que je voulais, le verre d'eau ou l'eau dans le verre? La problématique des concepts, c'est que l'être humain veut avoir, par exemple, de l'espoir. Il veut comprendre comment sa conscience lucide, et on se fout du corps atomique, comment sa conscience lucide peut devenir immortelle. Est-ce que la réincarnation, c'est vrai ou non? Moi, je le dis, la réincarnation, c'est vrai. Mais c'est aussi bon que si ce serait faux. Parce que finalement, quand tu réincarnes, tu es tellement mélangé avec un paquet d'autres êtres humains qui se réincarnent avec toi que tu n'étais plus rien vendu. De ce fait, tu ne te rappelles pas non plus qui tu étais. La personne, elle apprend tout ça au complet, puis voilà, elle peut en parler, ça vient chez elle, et puis là, elle se pose des questions, elle connaît un peu l'astral, qui est un concept qui fait partie de l'éclatement des archétypes, et elle connaît l'astral, et elle se pose toujours les mêmes questions. Pourquoi l'astral m'en veut? Oh, maudit astral, pourquoi ça m'arrive encore? Il me semble que... juste de l'ego. Le concept de négoïsation, c'est la même chose. Oui, mais là, il semble que je me suis négoïsé, et pendant un millième de seconde, j'étais fier, donc je me suis négoïsé, donc je me suis encore fait fourrer, donc c'est même pas la peine de continuer. L'être humain ne comprend pas encore la puissance énergétique d'un concept. Un concept global. Quand je dis qu'à un moment donné, le plus puissant concept, ce n'est pas que Dieu va vous sauver, mais c'est que vous allez sauver Dieu. On va sauver les mémoires. On va les intégrer et on va les transmuer. L'être humain, Dieu a un problème. Et ça, la première conférence que j'ai faite, il y a plusieurs années, j'étais encore tout jeune, selon le standard, c'était que Dieu, dans le concept traditionnel, est parfait. Si Dieu est parfait, c'est que Dieu est parfait. Et en même temps, Dieu est partout. Il est omniprésent. Mais merde, si Dieu est partout, il est dans le micro, mon micro est parfait, il est dans toi, toi t'es parfait, il est dans chaque être humain sur la planète, donc tous les êtres humains sont parfaits. Et chaque fois, je me confrontais à des imbéciles qui disaient, ben non, l'être humain n'est pas parfait, l'être humain doit se parfaire. Alors merde, Dieu n'est pas partout. Ah, ben oui, si Dieu est parfait, Dieu doit être partout. Mais comment vous pouvez faire pour vivre avec ça? Si Dieu est partout et Dieu est parfait, c'est que nous sommes parfaits. Si nous ne sommes pas parfaits, c'est que Dieu n'est pas partout. Et je suis d'accord pour dire que l'homme n'est pas parfait. C'est facile, on a juste à lire les journaux. Bon. Si l'homme n'est pas parfait, c'est que Dieu n'est pas partout. Si Dieu n'est pas partout, c'est que Dieu n'est pas parfait. Si Dieu est partout, ça ne change rien, il n'est pas parfait. Et je disais que le problème majeur de l'homme, c'était Dieu. Mais le problème majeur de Dieu, c'était l'homme. Prémisse, oh, j'étais très jeune, mais prémisse de nouvelles formes de conceptualisation de la mécanique d'évolution. On a peut-être besoin de lui, mais bordel qu'il a besoin de nous autres. Parce que Dieu, c'est quoi finalement? Si c'est tout, si ce n'est pas, si Dieu, dans le concept, représente quoi? Il représente tout ce qui est plus évolué que nous. Et l'homme, c'est quoi l'homme? C'est tout ce qui est plus évolué que Dieu. C'est ça, les concepts. Mais il y a une problématique. C'est que l'être humain ne connaît pas les vecteurs de déplacement, ce que maintenant, et dans le concept, le puissant concept du 20e siècle, qui devrait être autre chose pour vous qu'uniquement une connaissance de plus, c'est que Dieu plus évolué est en phase d'involution. C'est pourquoi il s'attache tant à l'homme. Parce que l'homme qui présentement est plus évolué est en phase d'évolution. Et les deux doivent s'unir si Dieu ne veut pas devenir de la matière, alors que l'homme doit s'unir au Dieu si on ne veut pas, à un moment donné, que l'homme reste de la matière. Alors, c'est évident que du point de vue très archaïque, très planétaire, Dieu va sauver l'homme. Mais une chose est certaine, on n'est pas à le remercier, pas tout faire, pas à se mettre à se vautrer dans le bout. C'est même pas les bons dieux qui viennent nous chercher. C'est les dieux créés par l'homme, par l'expérience planétaire de lui-même. Le plus puissant concept du 20e siècle, ce n'est pas juste une question de savoir. À un moment donné, le Nazaréen dit, « Ah, il y a un père qui va vous sauver. »« Ah oui, ah ben bon, dis-toi au bout, tu vas nous sauver. Finis-moi la taverne. » C'est ce que l'humain fait. Ça reste uniquement une structure de mots et l'humain ne parvient pas à ouvrir le concept pour s'abreuver dans le concept d'énergie. Comment on peut utiliser un concept? L'utiliser pour s'en servir? Le concept, on doit s'arranger pour qu'il nous entoure totalement, de façon à ce que ce soit lui qui devienne notre prochain véhicule d'évolution. Le concept, c'est une nouvelle coquille qui remplace la vieille coquille et qui, maintenant, a la capacité de nous nourrir d'une façon plus adaptée à ce que nous sommes rendus. Lorsque le poussin est rendu à un certain niveau, ce qu'il a dans la coquille, c'est que ça ne nourrit plus. Alors, il brise la coquille, il se ramasse dans un autre univers. Cet autre univers lui fournira le grain qu'il a besoin, l'eau qu'il a besoin, le soleil qu'il a besoin, les plantes qu'il a besoin, etc. Le concept, quand on apprend un concept, et le plus puissant concept, c'est que vous êtes une solution à la création. Mais là, on se dit, oui, mais je suis une solution à la création. Tu sais, je suis en compagnie à Archie Kleenex, me moucher. Oui, c'est comme le poussin. Le poussin, on va lui dire, tu es le prochain géniteur de poussin. Oui, non, c'est bon. Je suis le même, je suis John. Oui, c'est sûr. Dans quelques années. Puis on te présentera ce que c'est qu'un coq. Et pour l'instant, le coq, c'est un autre poussin jaune comme toi, puis ça vaut même pas la peine qu'on en parle. Mais n'empêche que c'est ça. Si le poussin finit par accepter, en sachant que c'est un concept, d'où le fait que ce n'est pas une croyance aveugle, le concept, il pourra être changé. Mais le concept doit nous entourer totalement. Êtes-vous des animaux? L'animal humain, c'est 99,992% des habitants de la planète. Mais l'être humain qui se conscientise, il doit se servir de l'énergie dans le concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes en train de crier, voilà, il est où? Il est où le vous? L'être évolué, l'être qui évolue du moins. Tout ce qui reste, c'est l'animal humain. Le concept, si le concept nous entoure au complet, on carotise le chemin pour l'ego. Carotiser le chemin pour l'ego, ça veut dire informer les dieux qui se sont réincarnés, les archétypes, les vieilles formes, tout ce qu'on a appris du passé, les informer qu'on doit maintenant faire mieux, faire plus. Faire mieux ne veut pas dire mieux servir Dieu. Non, faire mieux ne veut pas dire ne plus faire de péché. Non, c'est de comprendre ce que c'est qu'un péché, c'est comprendre ce que c'est que, je ne sais pas comment on appelle l'inverse, péché puis moi, c'est pas fort. Comprendre simplement ce que c'est que l'écologie, comprendre ce que c'est que l'inécologie, comprendre qu'une chose dans un cadre est un péché, dans un autre cadre, c'est absolument parfait. On doit comprendre les choses à partir de nous-mêmes. Mais à par la suite, vous devez vous servir de ce que vous apprenez. L'être humain n'applique à peu près jamais ce qu'il apprend. D'où le fait que, même pour la majorité des êtres humains qui ont appris progressivement la structure du plus puissant concept du monde actuel, c'est que celui-ci ne s'en sert pas. Si je prends un individu qui est totalement confiné dans sa coquille et que subitement, travaillant convenablement, je lui révèle le concept que beaucoup d'individus savent, ah, il va éclater totalement, il va mettre en application bien plus, bien mieux. Comment tu fais pour le passer de théorique à pratique, ce concept-là, justement? C'est que j'en connais... Il doit te baigner, tu dois te coucher avec, tu dois marcher comme avec le concept, respirer avec le concept, tu dois manger avec le concept, tu dois parler avec le concept, tu dois réfléchir avec le concept, tu dois chialer avec le concept. Le concept, c'est quoi le concept? C'est exactement ce que vous savez fondamentalement, mais qui n'est pas accessible à votre ego. Alors, on doit le rendre accessible à l'ego. Le rendre accessible à l'ego, c'est quoi? Bien, c'est de créer de la forme. Créer de la forme, c'est créer des carottes. L'ego n'embarquera pas sans ça. Moi, je dois mieux manger. Pourquoi? Parce que je suis un être supramental qui est totalement anégoïque. Hein? Faut que je me le dise, parce que sinon, je suis supramental, puis elle est toute totalement anégoïque, donc je ne peux plus commencer à me prendre pour un autre. Ça fait partie de mon concept. Je suis le prochain élite. Alors, est-ce que je mange en gueulant parce qu'il y a un noyau dans mon olive? Si je vis avec mon concept, si je mange avec mon concept, non. Alors, à un moment donné, je me rends compte que mon ego elle a encore gueulé. Et je me rends compte que je ne gueulerai pas parce que je sais que c'est stupide. Et là, on va dire, oui, mais c'est comme si tu jouais. Ouais, effectivement, moi, je ne joue pas. Je fais jouer mon ego. Parce que lui, s'il ne joue pas, l'ego ne peut que jouer. L'ego, il joue bon citoyen. Ben, t'es un bon citoyen. Il joue bon père à la bonne mère ou bon enfant. T'es un bon enfant. Il joue. Mais moi, mentalement, je suis maintenant tellement dissocié que mon ego et moi, on ne s'entend plus. Alors, quand je veux bien manger, lui veut manger tout croche. Je dois donc créer un superman, un superhomme, une superfemme. Je dois comprendre toute la teneur du grand concept. Anégoïsation. Est-ce que tu dois comprendre ou faire comprendre à l'ego? Le mental le comprend? Bien là, je parle de l'ego. L'ego doit comprendre et mon mental doit aussi le vibrer. À un point tel que ça ne doit plus m'échapper. Autrement dit, il est temps que, une fois par semaine ou par mois, je m'assoie dans mon concept. Je m'assois dans ma chaise à concept, une chaise évolutive. C'est une chaise de vaisseau évolutif que tu t'assois dedans. Un qu'une fois par semaine, là, tu rentres dans ta chaise, tu fermes tes cloisons, puis là, tu regardes tout ce que tu es en réalité. C'est-à-dire, moi, mais c'est pas ce que je suis. C'est un concept. C'est un concept qui a 1 million d'années en avance sur les archétypes présents. Alors, je m'en fous que ce soit un concept. C'est une illusion. Elle me plaît en sacrableux, l'illusion. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est là que je m'en vais. Mais j'y vais toujours en souffrant, en battant contre moi. Ce concept, il est réel. Quand je vais découvrir le double éthérique, il ne sera pas comme je l'ai pensé. Mais non, c'est un concept. Mais il existe de l'immortalité dans de la conscience transmise par la négoïsation. Puis l'égoïsation, je vais me ramasser, puis l'ego, ça va être comme quoi? Alors, jamais comme vous l'aurez pensé non plus, c'est un concept que vous étiez donné. Mais ça fonctionne. Le concept d'aller sur la Lune, bon, ben, le bonhomme, c'est Jules Verne, il prend une balle de fusil, il prend un canon, il met ça en Floride, puis tire ça sur la Lune. C'est génial. Alors, Cap Canaveral, c'est en Floride, et sur la planète Terre, il a pu choisir beaucoup d'autres places. Donc, c'est ça, là. Et c'est une fusée. C'est comme une grosse balle de fusil. Mais c'est différent. Mais il faut, à un moment donné, qu'on arrive à accepter les différences qu'il y avait entre le concept qu'on avait pris pour croire qu'on pouvait aller sur la Lune de ce qui va, à un moment donné, être réalisé. Mais pour le rendre effectif, le concept, il faut, comme tu dis, en être totalement absorbé. Mais je pose souvent la question à des animaux humains. Je leur pose la question, c'est surtout en séminaire, où je leur demande, « Bon, tu fais ceci, cela et cela. Est-ce que c'est intelligent? » Et là, ça cherche, parce que là, ils voient bien le piège. Ils disent que c'est pas intelligent, ça veut dire qu'ils sont pas intelligents. Mais ils ne sont pas capables de dire que c'est intelligent parce que je parle à leur ajusteur de pensée, puis quand ils viennent pour dire oui, c'est l'ajusteur qui les canalise, ils ne peuvent plus rien dire. Problématique, c'est quand l'humain est capable de dire non, ce n'est pas intelligent. Et la question dangereuse qui suit, es-tu intelligent? Et là encore, ben, crime, si je le fais, c'est que t'es manipulé. Ah ben, c'est intelligent, mais limité. Quand l'individu commence à jouir de ça, crime, c'est vrai, je suis manipulé. Ça reste un concept, oui, le concept est bon, maudit. Le concept, c'est qu'on a prédigéré des choses pour que tu puisses les assimiler. Mais est-ce que ça veut dire que le concept est pourri? Mais non, le concept, ce n'est pas l'aliment pur, mais c'est un aliment qui est prédigéré. Mais tout ce qui est dans l'aliment pur est dans le concept. Toi, maintenant, tu pourras l'assimiler. L'imbécile qui dit, le gros égo qui va dire, « Oui, mais moi, je veux manger la pomme pure. » Exactement comme si vous disiez, « Moi, je veux manger du gazon. » Tu sais, manger du bœuf, là. J'aime plus ça. Le bœuf, c'est du gazon qui est rendu de la viande, puis c'est bon. Mais mangez-en du gazon. Le bœuf est bâti pour le digérer, et il en fait de la viande. Nous, on est bâti pour digérer la viande. Mais si on mange du gazon, on ne pourra pas. Le concept est une prédigestion d'informations essentielles. La problématique, c'est que l'humain se sert toujours du concept comme de la forme. Il cumule des concepts, il cumule des tiroirs. Progressivement, il se bâtit un vaisseau. Mais le vaisseau, il est toujours dehors, puis il dégage un vaisseau d'évolution. Il rentre dedans. Le plus puissant concept, c'est que l'homme est son propre salut. Et on a tout ce qu'il faut pour le prouver, l'expliquer, puis le permettre. Ce sont d'autres petits concepts qui font partie du gros concept. Comme Dieu va vous sauver, on avait tout ce qu'il fallait pour l'expliquer. Maintenant, Dieu vous a suffisamment sauvé, là, il vous a amené où ce qu'il fallait. Et maintenant, vous continuez. Que l'homme s'autorise à être. Que l'homme s'autorise à être, que l'homme s'autorise à être, puis que l'homme s'autorise à un moment donné, simplement. Et ça va venir. Avez-vous des questions sur le sujet pour éclaircir? Ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez. Charles va les lire. Le prochain séminaire intensif de Daniel Kemp aura lieu le 28 et 29 octobre prochain. Pour information ou inscription, veuillez vous adresser au personnel aux tables d'accueil. De plus, veuillez noter que le prochain cours technique de contrôle magnifique débutera le 2 novembre.